Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Ina wulfuni bome, fono na me wulmea alenga abe nga zanambea. Ina wulfuni bome, fono na me wulmea alenga abe nga zanambea. Montrez-moi où est l'enveloppe. Wulmea a enveloppe. Wulmea a enveloppe. Montrez-moi où est la clé. Wulmea a pin. Wulmea a pin. Montrez-moi où est le rasoir. Wulmea a tiambupona. Wulmea a tiambupona. Montrez-moi où est le verre. Wulmea a ngwale. Wulmea a ngwale. Montrez-moi où est le crayon. Wulmea a crayon. Wulmea a crayon. Montrez-moi où est le téléphone. Wulmea a tangara. Wulmea a tangara. Montrez-moi où est la montre. Wulmea a tangi. Wulmea a tangi. Montrez-moi où sont les ciseaux. Wulmea a pipi. Wulmea a pipi. Montrez-moi où est le peigne. Wulmea a chara. Wulmea a chara. Montrez-moi où sont les lunettes. Wulmea a mimi chali. Wulmea a mimi chali.